Allez, on passe directement aux actualités musicales de la semaine, c'est parti. L'actualité musicale de la semaine sur Hilar FM. Alors que Remind Me To Forget, son duo avec Miguel, est un véritable carton, Kygo ne perd pas de temps et continue d'enchaîner les prestigieuses collaborations. Après One Republic, Stranger Things ou Selena Gomez, It Ain't Me, le DJ norvégien s'entoure cette fois-ci d'un des plus gros vendeurs de disques actuels, Imagine Dragons. Et ça rigole pas. Ça y est, c'est la Coupe du Monde 2018 est officiellement lancée depuis deux jours déjà. Elle a débuté sur les chapeaux de roue, même si l'équipe russe a écrasé. Ah non, justement, l'équipe russe a écrasé l'Arabie Saoudite 5-0. Mais bon, c'est Robbie Williams qui a davantage fait parler de lui. Invité exceptionnel de la cérémonie d'ouverture du mondial, le chanteur a interprété Medley, l'un de ses plus grands tubes, quelques minutes avant le discours de Vladimir Poutine. Let me entertain you. Oh là, je suis pas très fort en anglais, hein, mais Fell, Angel et Rock DJ ont résonné dans le stade Loujniki de Moscou pour le grand plaisir des supporters sur place. Juché sur une plateforme en forme de ballon rond, Robbie Williams s'est même offert les services de la soprano russe Eda Garifullina. Mais à la fin de sa présentation, le chanteur a adressé un doigt d'honneur face aux caméras tout en scandant « I did it for free », »,« Je l'ai fait gratuitement ». Mais pourquoi ? C'était pas tellement joyeux, moi je vous le dis. Et ensuite, Luis Fonsi va-t-il encore signer le tube de l'été ? Un an après la déferlante Despacito, qui cumule 5 milliards de vues sur YouTube, mais aussi le tube Echame la Culpa en duo avec Demi Lovato, le chanteur latino retente le coup avec Calypso, entouré cette fois-ci de la rappeuse anglaise Stefflon Don. La chanteuse a été dévoilée il y a une dizaine de jours lors d'un concert du chanteur à Porto Rico. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Luis Fonsi a encore frappé fort avec un morceau tubesque et entêtant. On s'écoute ça, j'ai directement pris la fin des infos.